Ça parle d'être ami. Distinguer le vrai du faux. Distinguer le vrai du faux. Ça parle d'être ami. Ça parle de money, ça parle d'être ami. Mais quand t'as des problèmes, il y a plus personne. Ça parle Uzi, ça parle Uzi. Mais quand il y a la guerre, il y a plus personne. Il y a plus personne. Il y a plus personne. Il y a plus personne. La vengeance est un plat qui se bouffe à froid. Je les ai laissés mijoter, mijoter, mijoter pour bouffer froid. La vérité blesse et laisse des cicatrices. N'attends pas sous mes textes que tes plaies cicatrices. La déception dans ton regard, tu fais le fragile tel un naufragé qui se sent seul sur une île. Il est pas trop tard, alors vas-y, réagis et puis considère tous les gens que tu aimes car ça parle money, ça parle d'être ami. Mais quand t'as des problèmes, il y a plus personne. Ça parle Uzi, ça parle Uzi. Mais quand il y a la guerre, il y a plus personne. Il y a plus personne. Il y a plus personne. Il y a plus personne. Je sais qui sont les vrais, je sais qui sont les faux. Je sais qui sont les faux, même à travers la brume. Allez leur dire que c'est pour eux que je peaufine ma plume. La vérité au bout des lèvres et sans rancune. Ça parle money, ça parle d'être ami. Mais quand t'as des problèmes, il y a plus personne. Ça parle Uzi, ça parle Uzi. Mais quand il y a la guerre, il y a plus personne. Il y a plus personne. Il y a plus personne. Il y a plus personne.